بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لون جاء الله سبحانه وتعالى كي nous accomplit de cette noble religion et qui a fait que nous soyons les soumis à Allah سبحانه وتعالى et qui a fait que nous connaissons la voie de nos plus prédécesseurs, d'Allah alayhim, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous raffermit sur cette voie. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est notre quatrième assise autour de ce sujet qui est l'hiver et là. Un sujet qui concerne cette saison d'hiver. Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré pour ses serviteurs des autorisations pour leur faciliter leurs adorations. Et parmi ces autorisations, le fait de regrouper deux prières dans certaines situations où le musulman se trouve dans la difficulté, en voyage, ou quand il pleut, ou quand le vent souffle violemment, quand il neige et autres. Allah subhanahu wa ta'ala a permis de regrouper Dhuhr et l'Asr à l'heure de l'une de ces deux prières. Et de regrouper le Maghreb Al-Isha à l'heure de l'une de ces deux prières. Donc on retient parmi les règles et principes de la législation que la difficulté amène la simplicité. La difficulté amène la simplicité et la facilité. Al-Bukhari, rahimahullah, ainsi qu'au Muslim, rapporte du hadith d'Anas, qu'Anas a dit, radiyallahu anhu arda, si le messager d'Allah lève le camp avant que le soleil dans le centre du ciel ne commence à décliner vers l'ouest, il retardait la prière du Dhuhr jusqu'au temps de la prière de l'Asr. Il s'arrêtait pour les accomplir conjointement. Mais si le soleil déclinait avant qu'il ne lève le camp, il accomplissait la prière du Dhuhr, puis se mettait en route. Le hadith il est sahih. Dans la version du Hakim, avec une chaîne de transmission authentique, il est dit, il accomplissait les prières du Dhuhr et Asr, puis se mettait en route. Et le hadith il est sahih. Muslim rapporte, rahimahullah ta'ala, par la voix de Saïd ibn Jubayr, que Ibn Abbas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée, a dit, le messager d'Allah a regroupé les prières lors du voyage qu'il a effectué vers Tabouk, et il a regroupé le Dhuhr et l'Asr et le Maghrib et l'Isha. Saïd ibn Jubayr a dit, j'ai demandé à Ibn Abbas pourquoi il a fait cela. Ibn Abbas a dit, pour simplifier à sa communauté. Cheikh Al-Uthaymeen rahmatullah alayh a dit dans Sharh Bulugh al-Maram, donc le regroupement des prières consiste en l'imbrication de l'un des deux temps de prière dans l'autre. Ainsi, ces deux temps ne formeront plus qu'un seul temps. Donc le regroupement ne consiste pas à joindre une prière à l'autre, mais à joindre le temps de la première au temps de la deuxième. Fin de citation. Donc la communauté musulmane a la permission de regrouper deux prières en avançant l'accomplissement de la deuxième prière au temps de la première pour ce qu'on appelle jam'u taqdim, le regroupement d'avance, ou en retardant l'accomplissement de la première prière au temps de la deuxième, c'est ce qu'on appelle jam'u ta'khir, le regroupement retardé. Et l'autre, le regroupement avancé. Donc le regroupement avancé, on fait la deuxième prière à l'heure de la première. Le regroupement retardé, on fait la première prière au temps de la deuxième prière. Donc les savants de la communauté ont dit que le regroupement des prières est une permission qui se pratique en cas de besoin et en cas de nécessité. Donc le motif du regroupement est la nécessité. Et le regroupement n'est permis que lors du temps partagé entre les deux prières, parfois au début ou à la fin du temps, et parfois au milieu du temps, parce que le temps d'une prière, il a une plage horaire, hein, et la plage horaire entre Dhuhr et l'Asr est attachée, donc c'est un temps partagé entre les deux. Donc on peut faire la prière soit au début, soit au milieu de cette plage horaire, soit à la fin de cette plage horaire. La situation est large. Et parfois, donc, les savants de la Sunna ont dit que le regroupement est une permission qui se pratique en cas de besoin. Donc le motif du regroupement est la nécessité, et le regroupement n'est permis que lors du temps partagé entre les deux prières, parfois au début ou à la fin du temps, et parfois au milieu du temps. Donc on peut accomplir les deux prières à tout moment du temps partagé entre les deux prières, à tout moment de cette plage horaire, en fonction du besoin et de l'intérêt. Partant de là, il n'est pas permis le regroupement que entre Dhuhr et l'Asr, et entre le Maghrib et l'Isha, car ils ont un temps partagé, un temps qui s'imbrique l'un à l'autre. Donc il n'est pas permis de regrouper l'Asr à le Maghrib, ou de regrouper l'Isha à l'Fajr, car leur temps est séparé l'un de l'autre. Donc regrouper les prières pour la nécessité est une sunna, car il fait partie des autorisations qu'Allah aime qu'on prend. Abdullah ibn Omar a dit, le messager d'Allah a dit, Allah aime qu'on pratique ses permissions, donc ses autorisations, tout comme il déteste qu'on lui désobéisse. Et dans une autre version, comme il aime qu'on pratique ses préceptes. Le hadith, il est sahih chez l'imam Ahmed, chez Ibn Khuzayma, chez Ibn Hibban, rahimallahu al-jami'. Et dans le regroupement, en cas de nécessité, il y a le suivi du messager, alayhi salatu wassalam. Car le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala à regrouper en cas de nécessité. Et cela rentre dans le général de sa parole, « Priez comme vous m'avez vu prier. » Le hadith est chez le Bukhari et chez le Muslim. Et des fois, quand l'imam commence à la deuxième prière, il veut regrouper les deux prières, « Dhuhr et l'Asr, le Maghrib et l'Isha », des fois on voit des gens sortir du rang. Quand l'imam se lève pour la deuxième prière, ils sortent de la mosquée. Cela, tout simplement parce qu'ils ignorent cette sunna du messager alayhi salatu wassalam, et ça ne leur rentre pas dans la tête. Donc il est autorisé de regrouper deux prières. Ibn Omar regroupait le Maghreb et l'Isha quand il pleut. Cela a été pratiqué aussi par Aban, le fils de Uthman ibn Affan, et par Urwa ibn Zubayr, et par Saïd ibn al-Musayyib, et par Abu Bakr ibn Abdurrahman, ibn al-Harith, ibn Hisham, et par Abu Salama, ibn Abdurrahman, et par Marwan ibn al-Hakam, et par Omar ibn Abdelaziz. Et ceci, c'est l'avis de l'imam Malik, ainsi que de l'imam Ahmed, ainsi que de Ishaq. Ceci est relaté dans l'Awsat de l'Mundiri, d'Ibn al-Mundir, rahimahullah, et dans le Mughni d'Ibn Qudama. Cheikh l'Islam, le Taymiyyah rahimahullah ta'ala, fut questionné sur le fait de regrouper le Maghreb et l'Isha quand il pleut. Est-ce que le regroupement est permis quand il fait trop froid aussi et quand le vent souffle violemment? Ou alors le regroupement n'est permis que quand il pleut? Et il a répondu rahimahullah ta'ala, louange à Allah, souverain du monde, il est permis de regrouper le Maghrib et l'Isha à cause de la pluie et à cause du vent violent, très froid, et à cause de la boue. Et c'est là la parole la plus forte chez les savants. Et c'est la parole de la voix c'est ce qui apparaît de la voix de l'imam Ahmed et de l'imam Malik et d'autres. Le recueil du Fatawa, le tome 24 à la page 29. Et dans la même page et dans la page 30, on répond à une autre question où l'imam a refusé de regrouper les deux prières. Et il a dit, rahimahullah, cheikh l'islam, louange à Allah, il est permis de regrouper les prières quand il y a beaucoup de boue et quand le vent froid souffle violemment la nuit et autres, même s'il ne pleut pas selon la parole forte des savants. Et cela est mieux, il dit rahimahullah, et cela est mieux que le fait de prier à la maison, car le fait de délaisser le regroupement des prières en commun et de prier à la maison est une innovation contraire à la sunna. Le recueil du Fatawa, le tome 24, entre la page 29 et 30. Et il a dit, rahimahullah, toujours les paroles de Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayh, le fait de délaisser le regroupement des prières alors qu'il existe le motif pour le faire et de prier à la maison est une innovation divergente avec la sunna du messager, alayhi salam. Car la sunna, c'est que les cinq prières s'accomplissent en commun à la mosquée. Et cela, c'est le mieux. Et cela, c'est mieux que de prier à la maison, et cela fait l'unanimité chez les musulmans. Donc l'accomplissement des prières regroupées à la mosquée est mieux que les prières chacune à son heure à la maison. Et ceci fait l'unanimité des imams qui autorisent le regroupement des prières comme l'imam Malik, comme l'imam Shafi'i, comme l'imam Ahmed. Fin de citation des paroles de Ibn Taymiyyah rahimahullah. Donc on voit bien qu'il est autorisé de regrouper entre Dhuhr et l'Asr et aussi entre le Maghreb et l'Isha pour la nécessité, la pluie, le vent violent, le froid et la neige, etc. Ceci, c'est la parole la plus forte concernant ce sujet. Et il n'y a aucune différence entre le fait de regrouper Dhuhr et l'Asr et le Maghreb et l'Isha. Celui qui est différencié entre les deux regroupements doit ramener la preuve. Parce que certains disent, on regroupe le Maghreb et l'Isha et pas Dhuhr et l'Asr. Donc ceux-là doivent ramener une preuve de faire la différence entre eux. Sur ces deux regroupements. Donc, quand la difficulté existe, la nuit ou le jour, il est permis de regrouper le Dhuhr et l'Asr et le Maghrib et l'Isha. Mais si la personne a une cause légiférée pour ne pas assister à la prière en commun à la mosquée, donc il ne regroupe pas quand il pleut, c'est-à-dire chez lui, s'il prie chez lui, il est malade ou autre, donc quand il pleut, il n'a pas à regrouper. Il n'a aucun intérêt à le faire. Il en est de même pour les femmes. Les femmes ne regroupent pas les prières à la maison à cause de la pluie. Car à la base, la prière en commun n'est pas obligatoire pour les femmes. Et le regroupement pour la pluie, le vent violent, le froid, ne se fait qu'à la mosquée. Donc le noble cheikh, cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah, dit concernant le regroupement des prières pour le voyageur, il dit le mieux pour celui qui a l'autorisation de regrouper des prières en avançant la deuxième à l'heure de la première ou en retardant la première à l'heure de la deuxième. Il a dit qu'il agit selon ce qui est plus facile pour lui et ce qui est arrangeant pour lui et ce qui arrange sa situation, soit au début il réunit Dhuhr à l'Asr au début de l'heure dit Dhuhr, soit il le retarde selon comment la situation va lui être facile. Donc, si la facilité est dans l'avancement, il le fait. Et s'il est dans le retardement, il le fait. Et ceci, c'est aussi l'avis de Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh. La preuve est tout simplement dans le Coran. Dans la parole d'Allah Azza wa Jal, qala subhanahu wa ta'ala, yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Donc la traduction approximative du sens du verset dans sourate Al-Baqarah, Allah veut pour vous la facilité et non la difficulté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme cela est rapporté par le Bukhari, la religion c'est la facilité. Ad-dinu al-yusr. La religion c'est la facilité. Et parmi les exemples clairs sur la simplicité et la facilité de cette législation musulmane, prenez par exemple le repentir. Le repentir des communautés qui nous ont précédés se réalisait par le fait qu'ils se donnent la mort. Quant au repentir de la communauté musulmane, c'est d'avoir tout simplement la ferme résolution de ne plus commettre le péché et de le regretter. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui est choisi. C'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui élit qui il veut, subhanahu wa ta'ala. Et qui lui fait faire ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Il faut qu'on se rende compte de la grandeur et de la majesté de cette religion. Et de la grandeur et de l'immensité de la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Pour réaliser la reconnaissance à Allah subhanahu wa ta'ala et le remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et concernant le regroupement des prières à la mosquée, quand il pleut, il est évident que le mieux, c'est à l'heure de la prière, de la première prière. Car c'est le plus simple et le plus facile, car les gens se sont réunis à la mosquée pour cette première prière, par exemple pour Dhuhr. Et ce n'est pas une condition d'avoir l'intention du regroupement au moment où on rentre dans la première prière. L'intention du regroupement peut se faire après avoir terminé la première prière. Ou au moment où on fait Kbirat al-Ihram pour la deuxième prière. Du moment où le motif du regroupement existe. C'est là aussi la simplicité de cette religion. Hein? Et aussi concernant la simplicité pour la dan, concernant la dan, la parole de la grande majorité des hommes de science, c'est qu'il y a un seul adan. Et pour chaque prière, on fait les l'iqama. On voit par exemple comme au Maroc, certains font deux adans. Le deuxième adan après l'accomplissement de la première prière. Il prête d'or, et après, une fois terminé d'or, le muaddin revient en arrière et fait l'adan pour la deuxième prière, pour l'asar, ou la, si c'est l'isha, etc. Donc, celui qui connaît la sunna s'apaise. Il se repose, il repose les autres. Les difficultés et les complications viennent du fait d'être en divergence avec la sunna. La difficulté et la gêne se dissipent avec le suivi, car la gêne est rejetée. Car la gêne va être rejetée quand on met en application le livre d'Allah et la sunna de son messager alayhi salatu salam, selon la voix et la compréhension du pieux prédécesseur d'Allah alayhim. La religion d'Allah a été instaurée pour nous épargner la gêne, pour nous épargner la difficulté. Donc, la compréhension du chapitre de la prière au moment des difficultés et des gênes est un point important dans la vie du musulman. Allah a simplifié l'adoration au moment de la difficulté et au moment de la gêne. Concernant la prière au moment des difficultés et de la gêne, Allah a demandé à ses serviteurs d'accomplir celle-ci selon leur capacité. Et ça nous prouve la facilité de la religion et la simplicité de la religion d'Allah Azza wa Jal. Le messager d'Allah nous a enseigné dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari, l'imam Muslim. Quand je vous ordonne quelque chose, faites ce que vous pouvez. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas imposé ce que nous ne pouvons pas faire. Donc, comme l'ont dit les savants, quand le musulman a peur de subir le mal avec la pluie, la neige, la boue, et qu'il pleut, ou il neige, ou le vent souffle violemment, dans ces cas-là, c'est un motif pour ne pas sortir pour la prière en commun. Au point où quand il pleut, où il fait très froid, le mu'addin du messager d'Allah disait dans la dame, priez chez vous. Et une fois qu'il termine la dame, il dit, sallu fi rihalikum, priez chez vous. Dans le hadith rapporté par Nafi', qui était le serviteur de Omar, le Abdullah ibn Omar, il disait, Abdullah ibn Omar a fait la dame un soir où le vent froid soufflait. Et il a dit, ceci dit, c'est-à-dire à la fin de la dame, priez chez vous. Le hadith est rapporté par le Bukhari et Muslim. Et dans Sahih Muslim, là, il y a la version d'Abdullah ibn Abbas qui a dit à son mu'addin, lors d'un jour où il pleuvait, après que tu dis, j'atteste qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah, j'atteste que Muhammad est le messager d'Allah, ne dis pas, venez à la prière, dis, priez dans vos maisons. Regardez, cela prouve quoi? Que prier chez vous, ou prier dans vos maisons, peut se dire à la fin de la dame, comme il peut se dire après l'attestation de foi dans la dame. Comme il a fait Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu wa arda. Et comme les gens ont été surpris par cela, c'est-à-dire au moment où Ibn Abbas a demandé à ce mu'addin d'agir ainsi, les gens étaient surpris. Et il a dit, Abdullah ibn Abbas leur a dit, vous vous êtes étonnés de cela. Ceci a été accompli par celui qui est mieux que moi. C'est-à-dire par le messager alayhi salatu wasalam. Et il a dit, la prière du vendredi est un précepte et je déteste vous faire sortir de chez vous et vous faire marcher dans la boue au risque de que vous glissiez. Radiyallahu anhu wa arda. Et selon le hadith de Nu'aym ibn Ham, il y a eu l'appel de la prière de Subh lors d'un matin très froid. Alors que Nu'aym ibn Ham était enveloppé dans un tissu de sa femme, tellement il faisait froid. Et sa femme a dit, si le mu'addin disait, il n'y a pas de mal pour celui qui ne vient pas, c'est-à-dire il n'y a pas de mal pour celui qui ne se présente pas à la mosquée pour la prière en commun du Sobh. Et le mu'addin du prophète alayhi salatu wasalam a dit à la fin de la dame, il n'y a pas de mal pour celui qui ne vient pas. Allahu Akbar. Ce hadith est rapporté par Abd al-Razzaq et par Ibn Abi Shayba et par al-Bayhaqi. Et dans une autre version, Nu'aym ibn Ham a dit, j'ai entendu le mu'addin du prophète sallallahu alayhi wa sallam lors d'une nuit froide, alors que j'étais enveloppé dans un tissu, et j'ai souhaité qu'il dise, priez chez vous. Et quand le mu'addin est arrivé à Hayya ala salat, venez à la prière, il a dit, priez chez vous. Il ne l'a pas dit, mais il a dit, priez chez vous. Et Nu'aym Anham a dit, et j'ai posé la question aux gens concernant cela. Et il s'avère que c'était le prophète alayhi salatu wasalam qui l'avait ordonné. Regardez et méditez cette élite qu'Allah a choisi pour être les compagnons de son messager alayhi salatu wasalam. Il souffrait de ce qui fit souffrir les humains. Et regardez comment son noble compagnon souhaitait que le mu'addin du prophète dise, il n'y a pas de mal pour celui qui ne vient pas. Et ceci a été dit à la fin de la dame. Donc on voit, que prier chez vous peut se dire à la fin de la dame, ou il n'y a pas de mal pour celui qui ne vient pas, peut se dire à la fin de la dame, ou peut se dire après, avant Hayya ala Salat. Et il peut être dit aussi, comme dans le hadith d'Ibn Abbas, après les deux attestations. Et le fait de faire la dame, c'est pour annoncer aux gens l'heure de la prière. Et quand le mu'addin dit « priez chez vous », c'est pour leur annoncer qu'ils ont un motif légiféré pour ne pas venir à la prière en commun, pour leur faciliter la vie. Et ceci, on l'entend presque pas dans nos pays. Et à des rares moments, on l'entend, là-bas en Arabie Saoudite et dans certains pays du Golfe quand il pleut. Donc, chaque fois qu'il y a la gêne, la difficulté, et la difficulté de la législation simplifie la situation. Et il y a une divergence concernant la dame. La grande majorité est d'avis qu'on ne fait qu'un seul adhan pour les deux prières et les qamas pour chaque prière. Les malikites sont d'avis qu'on doit faire deux adhan et deux qamas. C'est pour ça qu'on voit dans nos mosquées quand certains imams optent pour regrouper les prières, le mu'addin après la première prière va derrière et refait l'adhan pour la deuxième prière. Et la preuve de l'acte il est avec la majorité des hommes de science à ce niveau-là. Leur preuve, il est la plus forte, c'est-à-dire que ce qu'il faut faire, c'est un seul adhan pour les deux prières, et deux iqamas, et une iqama pour chaque prière. Donc la pluie est un motif légiféré pour ne pas venir à la prière en commun. La preuve est dans l'ordre que le message est donné au muaddin de dire « priez chez vous ». Donc il est légiféré de regrouper les prières quand il pleut et au moment de la nécessité, du moment que ça ne devient pas une habitude chez la personne. Donc le regroupement de la pluie se fait à la mosquée avec l'imam, mais il est aussi légiféré de regrouper les prières quand il pleut ou au moment de la nécessité. Il y a des moments où les personnes ont besoin de regrouper, sinon ils vont rater la prière parce qu'ils ont une nécessité. Mais ce qui est demandé, c'est que le regroupement ne devienne pas une habitude chez la personne, mais que ce soit une autorisation pour lui simplifier la situation, pour le sortir de la gêne. Il n'y a pas de mal dans ces cas-là. Le regroupement est autorisé, même si la personne n'est pas en voyage. Parce que certains croient que fait partie de la sunna du voyage, c'est le fait de regrouper. Là, la sunna du voyage, c'est de raccourcir les prières. Et le regroupement des prières, c'est une autorisation. Donc le regroupement est une autorisation dans n'importe quelle situation pour sortir de la gêne, de la difficulté, et pour simplifier les situations, et pour simplifier, pour que la situation soit simple pour les gens. Certains sont contraints, ont des contraintes dans leur travail. Par exemple, prenez un chirurgien qui va rentrer pour une opération qui va durer plusieurs heures. Donc là, il y a la facilité, il va rentrer à l'heure d'Yal Dor. Donc là, pour lui, c'est une nécessité de regrouper la prière et de rentrer tranquillement faire son opération. Donc il n'y a pas de problème au niveau du regroupement. Il ne faut pas que ça devienne une habitude. Et donc, il n'y a pas de problème de regrouper ses prières en tant que résident, même si on n'est pas en voyage, par nécessité, du moment que ça ne devient pas une habitude. Nawawi rahimahullah a dit, dans l'interprétation qu'il a fait de Sahih Muslim, dans le cinquième tome, un grand nombre de grands imams de la science sont d'avis qu'il est permis de regrouper les prières, même si on n'est pas en voyage, du moment que ça ne devient pas une habitude. Et il dit ici l'avis d'Ibn Sirin et de Ash'ab. Et Ash'ab fait partie des compagnons de Malik et d'un certain groupe de savants du hadith, et c'est le choix d'Ibn al-Mundir. Et c'est aussi la parole de Ibn Hajar dans le Fath, dans le tome 24. Et c'est aussi l'avis de Zurqani dans l'interprétation qu'il a fait al-Muwatta dans le premier tome. Et c'est al-Khattabi rahimahullah, al-Khattabi dans Ma'alim Sunanadi dans le premier tome, c'est l'avis de l'imam Malik, et c'est l'avis de l'imam Shafi'i et de l'imam Ahmed. Donc le regroupement des prières avec le motif de la pluie n'est autorisé qu'à la mosquée. Et c'est Pourquoi ? Pour avoir le mérite de la prière en commun et pour avoir les récompenses de la prière en commun. Donc on regroupe assez, on sort pas à la mosquée au moment où il pleut, on regroupe pas à la maison. Hein? Même s'il pleut, le regroupement se fait pour la cause de la pluie à la mosquée pour avoir la récompense du groupe. Quant au motif individuel, motif légifère individuel, la maladie, le voyage, hein, cela donne la permission de regrouper les prières. Hein? Et à ce niveau-là, la femme est comme l'homme. Les femmes qui ont la métrorragie regroupent. Hein? Et en plus, ils ont une preuve spécifique pour cette métrorragie. Et quand les musulmans regroupent les prières, comment faire dans ces cas-là pour faire les surrogatoires? Et quand on n'est pas en voyage, hein, il est de la sunna de faire des surrogatoires avant la prière et après la prière. Donc comment on fait pour accomplir les surrogatoires quand on regroupe les prières? Celles-ci s'accomplissent de la façon la plus simple. On fait le surrogatoire d'avant Dhuhr. Par exemple, si on va regrouper Dhuhr et l'Asr à la mosquée, on fait le surrogatoire d'avant Dhuhr, et puis on fait Dhuhr suivi du Asr, et ensuite on fait le surrogatoire d'après Dhuhr. Hein? En faisant le Maghreb, en faisant le Maghreb et en le suivant du Isha, une fois qu'on a terminé, on fait le surrogatoire d'après le Maghreb, les Dhuhr qu'on fait après le Maghreb, et on fait derrière le surrogatoire qu'on fait après l'Isha. Et si on veut faire son witr, on a le droit, car on a accompli l'Isha. Et si on veut le retarder, on le retarde. Et ici, il faut savoir qu'il est autorisé de couvrir, pendant la période froide, il est autorisé de couvrir la bouche et de s'envelopper dans un tissu ou une cape lors de la prière quand il fait très froid. Alors qu'en temps normal, ceci est interdit. Donc, le hadith rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi et authentifié par Ibn Khuzaima et aussi authentifié par Cheikh Nasr Dil Albani rahmatullah alayh dans Sahih Abu Daoud. Abu Huraira a dit, le messager d'Allah a interdit le fait de s'envelopper dans la prière et de couvrir sa bouche. C'est-à-dire, on s'enveloppe complètement. Hein? Les mains sont à l'intérieur du vêtement. Et il a interdit cela, ainsi que le fait de couvrir la bouche. Et il a été rapporté par Abu Daoud avec une chaîne de transmission authentique, dans le hadith de Wa'il ibn Hajr. Wa'il ibn Hajr, dans la description de la prière, a dit, à la fin du hadith, puis je suis revenu plus tard, c'est-à-dire il est revenu plus tard à Médine. Il dit, puis je suis revenu plus tard à un moment de grand froid et j'ai vu les gens enveloppés dans des vêtements, leurs mains bougeaient de l'intérieur des vêtements. C'est-à-dire ils étaient enveloppés, ils voyaient comment les mains bougeaient à l'intérieur du vêtement. Donc couvrir la bouche et s'envelopper dans le vêtement quand il fait froid est une autorisation pour sortir de la gêne et de la difficulté. D'où, quand les hommes de science, quand il y a eu cette pandémie, que Allah subhanahu wa ta'ala la disciple de cette communauté, de la communauté musulmane, hein, ils ont dit que le fait d'avoir le masque sur la bouche et sur le nez ne gêne rien pour la prière parce que c'est une nécessité. Hein? Voyez un petit peu que le fait d'apprendre sa religion et le fait de se penser sur les différents sujets de la religion et les différents sujets dont nous avons besoin, on se rend compte de l'immensité de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on se rend compte de la majesté de cette religion et de la facilité des permissions qu'Allah subhanahu wa ta'ala a octroyées à cette communauté. D'où la nécessité pour nous d'apprendre notre religion et de maîtriser la science de nos 24 heures, de s'acharner à maîtriser la science d'une 24 heures. Et si cela doit passer par le fait d'apprendre l'arabe, on s'acharne à apprendre l'arabe, qui est la langue du Coran, qui est la langue de la Sunna, qui est la langue de notre messager alayhi salam, et qu'on se sacrifie pour cela, et qu'on dépense pour cela de son temps, de son argent, pour acquérir cette noble langue, qui est la langue du Coran et la langue de la Sunna du messager alayhi salam. Et quand on veut, on peut. Et quand on... Et aussi, pour cela, on cède avec le dua, demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous ouvrir la porte de la science et de nous faciliter l'apprentissage de la langue arabe, du Coran, de la Sunna. Et ainsi de suite. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous raffermisse dans sa religion. Fasse Allah al-Azim. رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى اجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله لكم جزاكم الله خيرا.